Novembre est le mois du vendredi fou chez Dolbeau Auto. Obtenez jusqu'à 9 000 $ en valeur totale sur les modèles 2018. De plus, bénéficiez d'un rabais de 1 000 $ sur le vendredi fou de Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau, Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0570. Monsieur Stéphane Fortin vous rappelle que d'acheter localement pour soutenir notre économie. On va parler des Alouettes de Montréal. La semaine passée, on a eu André Bolduc. Cette semaine, on a un autre joueur qui on ne sait pas ce qui va arriver avec lui, avec son avenir. C'est Luc Bonheur-Jourdain. Quoi qu'il en soit, on lui parle. Salut, Luc. Bonjour. Luc, je voudrais souligner l'excellente collaboration des services des communications des Alouettes. J'aimerais ça que d'autres organisations fassent pareil, mais les Alouettes, j'ai aucun problème. C'est tout à votre honneur. Et ils pensent aux régions, les Alouettes. Fait que c'est ça qui est le fun. On est une équipe ouverte, puis tu sais, historiquement parlant, les Alouettes de Montréal, c'est une équipe qui a été impliquée, puis qui est restée impliquée auprès de la société. On a la tournée ensemble à l'école, qu'on se promène évidemment plus particulièrement sur l'île de Montréal, mais on fait la rive sud, la rive nord, puis on a quelques conférenciers, tu sais, comme Pat Lavoie, je sais que historiquement, il a fait des conférences dans le coin de Québec pour les Alouettes de Montréal, puis moi aussi, j'en avais fait à l'époque. On essaie de se promener, puis même si on tourne d'ailleurs 10 ans, quand j'ai commencé avec les Alouettes, on avait le tournoi de hockey, qu'on se promenait un peu partout, là, fait que... Ben Larry Smith est déjà venu à Dolbeau. J'ai déjà fait venir Larry Smith à Dolbeau, Mistassini, Luc. Oui, j'ai déjà fait venir Larry Smith en 2005, donc les gens, là, depuis, je suis resté bien en contact avec Larry, donc Larry, une ou deux fois par année, vient parler à Donne Radio Sport. Il ne vous reste que 30 secondes pour terminer. C'est l'image, monsieur, je sais que c'est quelqu'un qui est toujours disponible, puis qui est très, très, très présent dans la communauté, peu importe c'est où au niveau de la localisation, c'est quelqu'un qui est disponible. OK. Pas de hâte pour Larry. Luc, si on parlait des Alouettes, si on parlait un peu de ce qui se passe cette année, j'ai parlé avec André la semaine passée, puis il disait que c'était difficile pour les joueurs, que quand vous étiez durant les matchs, toute la gang, c'était quand même, le climat était très bon, mais c'était difficile quand vous sortiez, les gens vous rappelaient toujours votre défaite. Ce message, faites-le 1. Oui, ben c'est, regarde, c'est que, on va dire, regarde, on a eu une très belle semaine de pratique, ça vient, on entend le match en disant, on a eu une bonne semaine de pratique, on s'est bien préparé pour nos adversaires, et là survient une erreur, deux erreurs, trois erreurs, une mauvaise pénalité, quelque chose qui se présente, et à partir du moment où est-ce que ça se présente, qu'est-ce qui arrive, ben, on commence à avoir un terrain, des éboulements, puis on perd la rencontre, et si on perd la rencontre, ben, c'est une industrie qui est jugée sur le résultat. Est-ce que tu gagnes ou tu perds? Tu gagnes pas? Ben, il faut que tu changes les choses. Puis là, tu te dis, bon, mais Colin, qu'est-ce qu'on a changé? Pourtant, on pense qu'on fait des bonnes choses, qu'on se prépare bien, qu'on a le plan de match, on a bien pratiqué. Donc, c'est ça qui est frustrant à la longue. On a eu plusieurs rencontres qui ont été extrêmement serrées. Des matchs serrés qui nous tiennent au bout du... Tu sais, pour les partisans, ça te tient au bout du siège, ça te tient au bout arrivé à l'écran. Puis là, tu dis, Colin, une erreur, deux erreurs, puis là, il marque des touchés là-dessus, puis bon... on perd le match par une possession, par un placement, par donc c'est extrêmement frustrant en effet. Mais en même temps, ça te laisse espoir qu'on est à pas grand chose d'avoir un dossier totalement différent. Mais Luc, je pense souvent aux amateurs, puis je sais que t'es un gars qui écoute. Je pense que ça va prendre un changement. Je sais que t'es mal placé là, t'es très mal placé, puis je comprends très bien ça. Sauf que les gens là, je pense qu'au niveau des propriétaires, au niveau de la direction, je pense qu'on et moi j'en suis un de ceux qui voudrait avoir des francophones. Je pense qu'on est rendu là du côté des Alouettes à la direction. Les Québécois, on connaît le football canadien, on connaît également. Je pense qu'on est rendu là pour redonner confiance aux gens, parce que tant aussi. Moi j'ai connu les années des Concordes et des Alouettes au début des années 80, puis je dois te dire, ça ressemblait pas mal à ça là. T'étais peut-être. Oui. Par rapport à la place aux Québécois, aux francophones, et puis à l'incorporation de notre société dans cette ligue-là, moi je mets les choses en perspective. Je sais que on a les Alouettes qui sont revenus au Québec en 95-96, et puis qu'il y a eu l'instauration du programme de Rougéard de l'Université Laval dans les mêmes années, 95-96. Donc si on regarde, on est rendu à un peu plus de 20 ans depuis qu'il y a eu l'émergence d'une possibilité d'avoir une carrière une carrière 100% québécoise. C'est-à-dire, comme moi, à titre d'exemple, j'ai vécu que du football québécois. J'ai été au sein de la Ligue canadienne, mais j'étais à Montréal. Je suis resté à Montréal toute ma carrière. Et j'étais à Québec auparavant, puis j'étais au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je suis un produit 100% du football québécois, du football du Québec. Et pour en arriver à ça, et moi, j'ai commencé à jouer en 2001. Donc, je fais partie, si on veut, entre guillemets, de la génération qui va pouvoir redonner pendant les 20 prochaines années, 30 prochaines années au football québécois. Puis quand je regarde tous les anciens avec qui j'ai joué, moi, avec le Rouge-Or de l'Université Laval, qui sont maintenant des directeurs de programme, qui sont des entraîneurs-chefs, des entraîneurs de position un peu partout au Québec, écoute, ces entraîneurs-là forment des jeunes joueurs qui vont être encore de meilleure qualité que eux l'étaient au même âge que les joueurs qui coachent en ce moment. Et on voit que c'est quelque chose qui va de façon une courbe exponentielle. Donc, il y a une amélioration. Il y a une émergence, il y a une amélioration de la qualité des joueurs. Mais là, c'est tout le monde à faire son petit chemin pour essayer de se rendre là. On est conscient aussi, d'un autre côté, que volet football même, en termes de directeur général, de directeur généraux, c'est des questions de contact. Ouais. Ça te prend des contacts aux États-Unis parce que tu as 50% de ton équipe qui est américaine. C'est ça. Donc, tu te dois de trouver des gens qui sont capables de trouver des Américains prêt à jouer dans Luc, es-tu inquiet de l'avenir? Je te dirais pas du football. Moi, je suis pas inquiet. Il y a beaucoup de monde qui dit que les Alouettes vont déménager. Moi, je suis pas inquiet. Ça prend juste des redonner confiance aux citoyens, aux corporations. Je pense que ça prend une équipe de francophones, tant au niveau des propriétaires que des joueurs. Puisqu'il y a moi, j'ai connu le temps des Alouettes et des Concordes, comme je te dis. Il n'y avait pas cette culture-là à l'époque. Oui. Il n'y avait pas cette culture de football. Puis à l'époque, on disait que la NFL, on a fait à quoi au monde que la NFL était à l'avenir à Montréal, puis que la CFL était un obstacle à l'avenue de la NFL. Or, la NFL n'a jamais passé proche de venir à Montréal. Même pas passé proche, là. mais tu sais, je regarde ça là, du côté football. Bon, les meilleures équipes au football canadien, c'est les équipes qui développent des joueurs canadiens, qui ont des meilleurs joueurs canadiens. Or, je regarde ce que vous avez fait, Kevis Reed. Là, il est allé chercher quand même des joueurs au repêchage, il a essayé de se rattraper, mais quand même, il a donné plusieurs choix au repêchage pour l'avenir du club. C'est inquiétant. Écoute, c'est sûr qu'on est pour aller chercher notamment Johnny Manziel, on a échangé des choix de première ronde, on a échangé du talent futur qui aurait pu aider l'organisation. Mais est-ce que ce talent futur-là aurait pu aider autant que Johnny Manziel? On le sait pas, seul le temps va pouvoir nous le dire. Ce que je peux dire par contre, c'est que historiquement parlant, moi, quand je regarde l'organisation des Alouettes de Montréal, ce que je regarde, c'est aussi au niveau de la constitution. C'est une équipe qui a été très longtemps fortunée en talent canadien. C'est-à-dire qu'on avait 5 joueurs de ligne à l'attaque qui étaient canadiens. Et on avait un receveur en Ben Cahoun qui était un Canadien, je considère comme un Canadien. Puis on avait un Mathieu Proulx et Étienne Boulay qui se partageaient le temps de terrain comme étant demi de sûreté à la défense. Donc on avait en ces 7 joueurs-là, nos 7 partants canadiens. Donc, tu peux te permettre de jouer des joueurs américains qui ont plus d'expérience, qui sont plus athlétiquement plus forts, mieux formés au football. Tu peux avoir le reste de ton équipe axé là-dessus. Donc, si tu as une ligne offensive qui est capable de bien performer puis d'avoir de créer une profondeur à cette position-là, ça te donne énormément de luxe sur le reste de la constitution de ton équipe. Et c'est là que moi, je trouve que là, on s'en va un petit peu dans la bonne direction. On a repêché Trey Rutherford cette année, qui est un joueur qu'on a vu. Il s'est blessé rapidement à une cheville, mais je sais qu'il y a un talent. Il y a un talent, puis il est bon. Il a une bonne tête sur les épaules, et c'est un bon jeune, parce que je l'ai côtoyé toute la saison. Puis on a été recherché aussi. On a donné notre choix de première ronde pour le repêchage qui s'en vient en 2019, pour aller chercher un jeune joueur qui est canadien aussi, aux États-Unis, qui était avec les Chargers de San Diego, Tyler Johnstone. Donc, on a pris 2 joueurs de ligne canadiens en choix de première ronde cette année et l'année prochaine. On entend un Philippe Gagnon qu'on a repêché de l'Université Laval il y a 2 ans, qui est revenu de sa blessure et qui a très bien terminé la saison. Donc, on s'en va vers une ligne offensive qui va être plus canadienne qu'américaine. Donc, on va avoir probablement un meilleur groupe de receveurs. C'est là que ça joue. Selon moi, ça joue énormément sur la ligne à l'attaque. Parce que si tu as des Canadiens qui sont capables de bloquer les joueurs américains, eh bien là, tu te trouves à avoir plus d'armes à l'attaque, plus d'armes en défensive, tu tombes avec un football dynamique, mais tout ça dépend juste et uniquement de la capacité de ton carrière de jouer dans la Ligue. Luc, parce que tu peux mettre tous les beaucoup de joueurs autonomes cette année, beaucoup de joueurs autonomes, BJ Cunningham entre autres, Ernest Jackson qui n'ont pas fait grand chose. Je pense que Chip Cox également va être joueur autonome. Il y en a beaucoup en tout cas là. Est-ce que tu penses que ça va être difficile d'attirer des joueurs francophones à Montréal compte tenu de l'affiche depuis 2014, compte tenu également que vous n'avez pas un centre d'entraînement high class comme dans certaines villes de la Ligue canadienne, certaines autres équipes? Est-ce que ça va être difficile d'attirer des joueurs autonomes? Ben, je pense que de façon générale, dans la Ligue canadienne de football, cette année, c'est extrêmement particulier ce qui se passe parce qu'on est en négociation en 2019, durant la saison morte, pour une nouvelle convention collective. Donc, je te dirais, là, je sais pas c'est quoi les chiffres officiels, mais puis je m'avancerai pas là-dessus, mais c'est un très haut pourcentage de vétérans de plus de 3 ans dans la Ligue qui tombent joueurs autonomes. Et là, je pense que le marché va être simplement... Je pense que pour une des rares fois dans l'histoire de la Ligue canadienne, le marché va être au plus offrant. Ça va être... d'après moi, il va y avoir des pressions à la hausse sur les joueurs parce que il y a tellement d'offres sur le marché des joueurs autonomes cette année que les équipes ont la chance de pouvoir constituer leur équipe d'une façon plus... Avec une plus grande offre, si on veut, de joueurs sur le marché. Okay. Fait que ça va être vraiment intéressant comme saison morte parce que moi, de toute ma carrière, j'ai pas vu ça jusqu'à présent. C'est la première fois que ça se présente. Donc, ça va dépendre de la fidélité. En termes de joueurs francophones, j'ose espérer, moi en tant que tel, parce que j'ai vécu des succès, j'ai vécu des insuccès. Mais il reste que Montréal, c'est au Québec, puis les Alouettes, c'est l'équipe professionnelle du Québec dans le football canadien. Et si t'as la chance de pouvoir vivre ça, si t'as la chance de pouvoir te lier à cette organisation-là et de venir jouer au Québec, prends-la. Ouais. Là parce que c'est un privilège. Luc, tu as parlé de convention collective, tu as parlé de également qu'il y a beaucoup d'offres actuellement. Il y a deux nouvelles ligues qui vont décoller bientôt. La Ligue Alliance, la Ligue la XFL 2.0. Est-ce que c'est une épine d'Amoclès à la Ligue canadienne. Là. Les bons joueurs américains ne seront pas tentés d'aller dans la Ligue Alliance ou... J'en suis persuadé. Et là va être le grand défi, si on veut, des directeurs généraux, parce que en tant que tel, si on regarde les deux ligues en question, la Ligue de l'Alliance et puis la XFL, est-ce que à long terme, je pense que c'est des ligues qui vont nous faire mal? Je le sais pas. Je leur souhaite évidemment que ça fonctionne parce que c'est juste l'expansion du football en soi. Et moi, évidemment, je veux que le football continue à croître comme sport puis à ce que les joueurs aient le maximum d'opportunités à jouer le sport qu'ils aiment tant. Mais il reste que c'est des ligues qui n'auront pas beaucoup de temps pour se prouver et se bâtir un marché. Parce qu'il y a le gros marché de la NFL sur place. Alors, je pourrais dire que c'est peut-être à court terme, oui, c'est une ligue. Ce sont des ligues qui vont faire mal aux Canadiens, au football canadien. Mais la différence athlétique que ça prend pour jouer dans la Ligue canadienne versus des ligues comme la NFL ou la XFL ou l'Alliance Football League, je ne sais même pas encore comment ça s'appelle, c'est du football à 4 essais, avec aucune verge et puis sur un terrain limité avec les fameux 11 joueurs. Il n'y a pas de motion. Donc, est-ce que le football va être de la NFL, en quoi ils vont se différencier de la NFL, je ne sais pas. J'ai vu des règlements, puis je peux te dire, en effet, il y a des choses que je suis pour, mais il y a des choses qui sont contre, puis c'est comme dénaturer un peu le football, comme pas de botter d'envoi. Je trouve ça un petit peu particulier. Hey, Luc, il me reste 2-3 questions. J'aimerais ça avoir des réponses rapides. Premièrement, le football canadien, Mike Sherman est un vieux de la vieille au football américain. Il s'est rendu avec les Packers de Green Bay. Est-ce qu'il a été capable, parce qu'on dit qu'un carrière, ça prend un an avant de bien se développer puis de bien connaître les rudiments de la Ligue canadienne de football, un corps américain. Est-ce que Mike Sherman a fait preuve d'humilité et a fait preuve de beaucoup envers les joueurs? Et est-ce que son apprentissage au football canadien était bon? Écoute, il a fait preuve d'humilité, oui, en fin de saison. En fin de saison, ça veut dire qu'en début de saison, c'était difficile. En début de saison, c'est naturel, c'est une courbe d'apprentissage. Et puis tu peux pas, même si tu veux essayer de te camoufler, ça prend du temps. Puis quand tu connais le football d'une façon et d'une seule façon depuis 35 années, et que tu découvres un nouveau football, c'est pas n'importe qui est capable de faire cette transition-là, de voir toutes les opportunités. Et puis ton fameux jeu que tu as dessiné il y a 10 ans, 15 ans, avec une certaine profondeur de tracé, avec une certaine motion ou quoi que ce soit, C'est pas le même lancer, c'est pas le même tracé qui peut être effectué dans la Ligue canadienne, toutes les dimensions du terrain. Donc, ça prend pas le même temps pour faire le même jeu. Et c'est là qu'il y a de l'adaptation à faire. Mais en tant que tel, en tant qu'entraîneur-chef, écoute, il a fait son travail d'entraîneur-chef et puis il nous préparait pour les matchs. Tout ce qui était gestion de la coordination de la saison, écoute, il a fait le travail. C'est de réapprendre son football. Ça s'est fait graduellement et puis c'est juste et uniquement naturel. Ouais. Moi, je me souviens de Mark Trestman. Ben, c'est ça. C'était ma prochaine question. Mark Trestman a été congédié par les Argonauts de Toronto. Je regarde depuis son départ de Montréal, t'es allé à Chicago, ça a fait de patate. T'es allé à Baltimore comme coordinateur d'attaque, ça a fait de patate. C'est rare qu'on change un coordinateur en pleine saison, ça a été fait. Arrive à Toronto, gagne la Coupe Grey. Cette année, il perd Ricky Ray au premier match. Et ça a été une saison misère, congédié. On dit que Mark Trestman, c'est un gourou des carrières, c'est un gourou pour développer des carrières. Sauf qu'il y a eu James Franklin, qu'on disait que c'était un gars qui était un bijou à polir. Est-ce que la réputation de Mark Trestman, est-ce qu'elle est surévaluée? Oh, moi, c'est, en tout cas, si on peut s'assiner là-dessus, on pourrait le faire longtemps. Moi, je pense pas qu'il est surévalué. Okay. Ce que je vois en Mark Trestman, c'est quelqu'un qui sait comment embarquer les gars. C'est un très, très bon entraîneur-chef. C'est le meilleur entraîneur-chef que j'ai eu dans ma carrière, dans le sens où est-ce que Mark prenait soin de tous les détails. C'était pas juste une question de mots, c'était vraiment ce qu'il faisait. Tout était extrêmement détaillé. Pascal Masson dit la même chose. Pascal Masson, c'est mon collaborateur de la LCF, puis il dit la même chose, puis il a joué avec toi, je crois. Il dit la même affaire que toi. Oui, exactement. Ouais. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement détaillé. Puis moi, dans le cas de Mark, écoute, en ce qui a trait à être un gourou des carrières, dans la Ligue canadienne, c'est difficile durant la saison et puis d'avoir plus de temps pour enseigner à ton carrière. Ça se fait durant les camps d'entraînement. Puis évidemment, tu veux essayer d'améliorer la situation, mais il faut que tu te prépares pour un match. Donc, tu n'as pas le temps de travailler toutes les techniques et les points, les détails précis, X, Y, là, avec un jeune carrière. Dernier, deux petites questions. Je t'écoute, tu t'exprimes très, très, très, très bien. Écoute, les médias ou encore une carrière d'entraîneur comme dans le football universitaire québécois? Ah, écoute, moi, pour en ce moment, c'est encore joueur. Okay. Je me préparais pour une autre saison comme en tant que joueur, mais s'il y a l'opportunité, je vais la prendre. S'il n'y a pas d'opportunité, évidemment, je vais me tourner vers la retraite. Et par la suite, me concentrer sur mon prochain projet de vie. Je ne le sais pas encore. J'ai pas encore déterminé exactement vers quoi je m'en vais. J'ai vu plusieurs, évidemment, opportunités à droite et à gauche, mais j'ai tout le temps cru que si tu avais un pied en dehors d'une relation, tu pourrais plus être en relation. Donc, j'ai encore le pied pris dans ma carrière de joueur et tant aussi longtemps que ça va être ça, je vais regarder par ailleurs. Très, très, très intéressant. J'aurais eu bien d'autres questions à te poser, mais là, je veux pas faire des 30 minutes de podcast. Donc, on va peut-être avoir l'occasion de se reparler éventuellement, mais c'est très, très intéressant. Ben, ça va me faire plaisir. Je te remercie beaucoup. Des Alouettes de Montréal.